Le son de terre-terre, trois triomphes de la galère, Hassni Junior. Ya Rabbi Aliya, ya Lhamiya, Madrti Fiya, ya Rani Nibghi, عيت المعني عيت ما نجري عشقك هبني باغي نلحق لي Quitte la Tessie pour la boîte de nuit. Tu as ta galère, direction Paris. Sur les Champs-Elysées, dans des grosses caisses. Audi, BM et Mercedes. Qu'avec des petits frères et des femmes bien sapées. Qui représentent toujours leur quartier. C'est la fête, on dépense sans compter. Bouteille de champagne au taquet. On rentre dans la boîte au Carré VIP. Sur le tapis rouge pour Mansa Yali Assassi. On calcule pas toutes les meufs qui jouent les stars. Elles voudraient rentrer avec nous ce soir. Désolé ma belle, y'a plus de place dans le 4x4. Monte avec mon pote dans son Audi S4. Déjà 6h du mat, faut rentrer. En route à l'hôtel, finir la soirée. Mon tigel là, wallit l'obéti, haja sahla. Amari, men goul, kenella. Danse pour moi, allez, allez. Mti Amari, mon tigel là, wallit l'obéti, haja sahla. Amari, men goul, kenella. Danse pour moi, allez, allez. Je t'écris ce poème avec mon cœur et mon âme. Pour te dire que je t'aime, te montrer mes flammes. On oublie les problèmes, je veux sécher tes larmes. Je ne veux plus être seul, je t'ai choisi entre les femmes. Ya Rabbi Aliya, ya Lhamiya, Madrti Fiya, ya Rani Nibghi, عيت المعني. عيد ما نجري عشقك هبني باغي نلحق لي Algérie, Maroc et Tunisie, à trois tous sur la piste, les meufs tous y kiffent, c'est la hella, la boîte elle est remplie, tout le monde danse avec la joie mon ami, nique la hella au milieu de la piste ma jolie, c'est Morsa qui représente pour le pays, y'a pas d'embrouille ce soir, j'suis sur la table des bandits, tranquille. Tranquille, allez danse ma chérie. Je sens ton parfum sur mes draps. Je vois ton ombre sur mon lit. Je sens ta chaleur dans mes bras. Quand t'es pas là, je vis dans l'ennui. Ya Rabbi Aliya, ya Lhamiya, Madrti Fiya, ya Rani Nibghi. عيت المعني عيت ما نجري عشقك هبني باغي نلحق لي انتي عمري بنتي يلا واللي طلبتي حاجة سهلة عمري ما نقول لك انا لا دانس بوغ موا الي الي انتي عمري بنتي يلا واللي طلبتي حاجة سهلة عمري ما نقول لك انا لا دانس بوغ موا